Vendredi 23 juin 2017, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonjour. Bonsoir. Comment ça va, vous? 23 juin. Demain, dans quelques heures, à peine 24, fête nationale du Québec. Et par-dessus le marché, aujourd'hui, cette nuit, ce soir, on n'est pas avec n'importe qui. On n'est jamais à Errance Rénadienne avec n'importe qui. Là, vous oubliez n'importe quoi qui est Rénal, là. C'est pas l'intérêt premier. Lui, c'est un percheur, un percheur de micro. Il place devant la bouche de ses invités un capteur sonore qui enregistre toutes les informations que ses invités, ou si vous préférez, ses bouches, lui divulguent. Et pendant 52 semaines, lorsqu'il revient à Québec, vous les présente, ces bouches qui ont tant à dire, tant à nous présenter leur profil artistique, intellectuel, singulier. Nous sommes le micro. Pourquoi tu montes ta voix? Mais je monte ma voix parce que je veux pas oublier. On dirait que lorsque je suis en haut perché, comme le connard, c'est pas le connard, c'est le corbeau. Le corbeau et le connard, mais non. Et le renard. Hey, laisse-moi dire mes fables à ma manière. Oui, c'est le corbeau et le connard. D'après Jean de la Pompaine. Le corbeau était pas terre. Était qui? Était pas terre. Était pas tant à terre. Il ne marche pas, le corbeau. Il sautille. Pas capable de mettre un pied devant l'autre, cette affaire-là. Là. C'est, pour certaines personnes, c'est beau. Je ne suis pas là pour évaluer la beauté du monde, la beauté des êtres, la beauté de nous, les animaux, et même les autres animaux. Mais à mon humble, quand c'est un avis, c'est toujours humble. Sauf dans mon cas. Quand tu regardes ça, ça fait peur, un corbeau. C'est noir. Ça a des yeux qui te regardent, là, d'une insignifiance crasse. On pourrait rapidement dire, c'est un politicien. C'est tellement ratoureux. Ça annonce la mort. C'est quelque chose de douteux. T'aimerais crier après pour qu'il s'envole comme la mort. Va-t'en, on veut rien savoir de toi, t'es un corbeau. Le crotté, lui, il y a plusieurs sortes de crottés, mais il y a par contre une seule race de corbeau. Ça s'appelle le corbeau volant identifié, très identifié. Tous les autres, là, qui se disent, parce qu'il y en a plein qui prétendent, là. Ouais, moi, je prétends qu'il y a plusieurs amalgames de corbeaux. Il y a le corbeau septus du Népal qui, règle générale, n'émigre pas. Il reste là avec ses semblables. Donc, ça devient un tas de corbeaux. Et ces tas de corbeaux-là, lorsqu'ils sont regroupés en grande masse, amène ce que l'on appelle chez nous la nuit ou le soir. Eux, ils n'ont pas de soleil. Ils n'ont pas de lune. C'est les corbeaux qui amènent l'obscurité parce qu'ils sont noirs. Ouh. On dirait un conte d'Edgar Allan Poe. Et lui, là, Edgar Allan Poe, il y en avait des couches de peau. Ah! C'est un être à l'origine curieux. C'est un dramaturge, là, un peu comme le corbeau louche, qui fait peur. Avez-vous lu ça, là? C'est un petit cours, c'est un cours de moi, je classe ça dans les nouvelles. Pas les potins, là, mais on appelle ça des strates littéraires. Il y a le roman, la nouvelle, la poésie, l'essai. Et quoi d'autre encore? Et tant d'autres, peut-être, structures qui ne sont pas encore évaluées. Donc, l'écriture automatique, qui n'entre dans aucun de ces cadres. Si Rance Reynaldienne pouvait, excusez-moi, je me prépare, là, j'ai comme le lexique en dessus des yeux pour vérifier si je ne fais pas de bavure. Parce qu'il n'y a pas juste les inspecteurs qui font la petite inspecteur la bavure, là, il n'y a pas juste lui. Il y en a plein qui font de bavure, mais si c'est inconscient, c'est encore pire. Consciemment, ben là, tu peux t'excuser. Sinon, ben, tu laisses passer ça comme du beurre dans la poêle. Pas de la margarine, du beurre. Là. Puis bon, ça peut laisser un goût étrange puisque toi, tu le sais qu'il s'est passé quelque chose d'incorrect. Tu as entendu le chaos. Francophone. Grammatical, toi, lâche le drama. Le jour où je lâcherai le drama, le dromadaire ne sera pas loin. Oh, le drama! C'est un nouvel animal, le drama? Oui. Un peu comme le corbeau. Lâche le corbeau. Non, mais c'est ma fable, le corbeau et le connard, d'après Jean de la Pompaine. Oh, OK, vas-y. Alors, le corbeau, la nuit, le soir, bon, il fait soir à soir, hein? Il fait soir. Oh, prenez place, madame, mademoiselle. Ah, oh, il fait soir à soir. Il fait soir encore soir à soir, tu vas manger sous des espoirs. Avec moi, tu vas balancer, inviter sous les jeunes. Si tu veux que je reste bon, si tu veux dans les désespoirs, tu veux que je te remarre, inviter, je ne peux marrer. I'm receiving of I'm a sailing man I'm a sailing of Et tu seras mieux ce soir. Oui, zing, mes anges, zing, Quand tu dis ça, là, place un petit seau en dessous de ta babine parce que ça dégouline. Les gens l'ont pas vu. Non, mais Moi, je vais glisser sur cette bave tant attendue. Okay, comment ça, t'attends ma bave? Ben, à chaque émission, on n'en parle pas, là. On garde ça mort, mais pas ce soir. Tu laisses une coulisse. Après 2 heures, c'est plus une coulisse. C'est une flaque. Pour ne pas dire pardon? Une mer. Pas exagérer, une mer, là. Un lac, c'est un lac. C'est bien mieux un lac. Un lac. Un lac de bave. Mais ça dépend laquelle, hein? Oui, certaines baves, là. Wow! Bave-moi-tu, bave-moi-tu, bave-moi-tu, bave-moi-tu. On veut pas entendre tes fantasmes, toi, là. On veut que tu nous dises bonjour, bonjour. Mais non, mais on n'est pas le jour. Je peux pas dire bonjour quand on est le soir, même à l'aube de la nuit. Comment ça va? Préparez-vous vos vacances? Êtes-vous en vacances? Voulez-vous des vacances? On travaille 52 semaines pour avoir à peine 14 jours, 14 moments de 24 heures qui, j'espère, marqueront une césure de toutes ces 50 semaines de quotidien que l'on traîne pour les travailleurs classiques. Là. Et moi, je suis pas classique, moi. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, j'ai jamais été classique. J'ai fait mon cours classique, mais après ça, j'ai bifurqué vers l'incohérence de la création. Oui, j'ai voulu faire de la gouache. Tout le monde était dans la peinture gastronomique, là. En fait, avec des aliments frais, de la tomate, du persil, et ils montèrent ainsi des fresques extraordinaires. Visuel, mais aussi gastronomique. Des œufs. Comment ça va? Ça va très bien, mais j'ai eu comme un court-circuit langagier. Quand tu regardes ça, ces œuvres-là, qui font partie de l'art brut, ça saisit un peu quand tu crains la différence, quand tu t'es tellement endoctriné à ce qui est ordinaire, à ce qui est classique, lorsque tu sors du lot et que tu te rends dans cette exposition où la grande Mably Picasso, ça c'est, elle se dit la grand-mère de Pablo Picasso, mais elle a lâché le Picasso pour la Picassiette. C'est avec des fourchettes, des couteaux, des cuillères qu'elle peint avec sa propre sauce à spaghetti des œuvres assez flamboyantes. Elle a recréé le château Frontenac sans jamais avoir mis les pieds à Québec. Allez voir sur Google si vous êtes étranger. Étranger, passager, jamais je ne serai ce qu'elle voulait. Passager, anonyme, up to date, old fashioned. Si vous êtes de passage et que vous avez pris en photo, c'est sans doute l'endroit à Québec qui est le plus prisé des photographes amateurs et professionnels, c'est Château-Frontenac. On veut ramener ça là-bas, là. Je suis allé dans un endroit tout à fait particulier que l'on appelle Château Frontenac. Château, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune hiérarchie. Qui, depuis l'origine jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de roi, de reine, de prince qui ont séjourné à long terme. Sauf des invités. Mais ça appartenait à aucune monarchie. Ça s'appelle Château. Au même titre qu'Errance Rénaldienne. Je ne sais pas si vous connaissez Errance Rénaldienne. L'excellente émission. L'excellente émission. Où on fait le château symbolique de la francophonie. Pour venir à Picasso, là, à la Madame Picasso, elle, c'est avec sa sauce à spaghetti, elle a refait le château Frontenac en sauce à spaghetti. Elle a terminé avec des miettes de bœuf haché pour nous faire visualiser le chemin qui l'a amené par ses pensées à cet endroit. Aujourd'hui, comme toujours, est un hôtel. Donc, elle a choisi la grande chambre. J'ai bien dit la grande chambre qui loge que des dignitaires et les gens qui ont des moyens financiers. Ça coûte peut-être mon voyage en Europe aller-retour. Pour une chambre. Là. Une chambre, une nuit. J'espère que ta nuit est bien meublée. Que tu as des invités de luxe aussi. Des invités de luxe? En fait, vous voulez dire des escorts? Au pluriel! Je n'y suis point passé, monsieur. Si la police en bas, s'ils arrivent, la force constabulaire, ne craignez rien, je dirai tout. Le secret des dieux, je connais pas ça, moi. Il n'y en a pas de secret des dieux. Tout est ouvert. La vie est un grand livre ouvert à la page 69. Et à cet endroit, cette feuille est la représentation même d'une société spectacle sexualisée. Une société spectacle qui ne fait pas que l'amour dans l'intimité, mais qu'il monte au grand jour. Des vidéos, de la littérature, même de la musique. Et quoi d'autre encore? Peinture, oui, peinture. Qu'est-ce que vous avez dit? De la sculpture, ben oui, ben oui. Toute forme artistique, sexualisée, se retrouve dans ce livre, cette page 69. Touchez pas vos cartes. Qui, comme je le disais il y a quelques secondes, minutes, représente la société spectacle sexualisée. Oui, monsieur. Je prends ça en considération. Moi, je prends ça là, directement de mon fort intérieur. Je le fais mijoter. J'attends que la bouillotte explose. Et lorsque le chaudron qui recouvre le tout pète, pète, pète, pète, pète, pète, pète, bien, pète en voulant dire explose, là, je commence à divulguer. Là, je commence à cracher le morceau. Là, je commence à vous rendre compte de ce qui se passe dans notre société. Pas d'ébullition. Pas de compréhension. Faut que ça soit une surenchère. Faut que ça revienne souvent. Faut que je me pose la question, mais pas une seule fois. À plusieurs reprises. Quand il y a répétition, à un moment donné, je dis, oh, il y a quelque chose à faire avec ça. Répétition égale intérêt. Intérêt égale un moyen. Égale quoi? Attends un peu, là. Je veux faire mon intelligent. Ça fait dur, ça fait mal. C'est pas facile parce que je ne suis pas. Mais lorsqu'il y a répétition, il y a aussi interrogation de la part de la personne qui reçoit souvent la même information. Pourquoi ça me revient tout le temps, là? Pourquoi c'est aussi précipité et aussi constant? Il y a une belle expression qui dit pas vraiment ça. Qu'est-ce que tu veux? Non, la mèche. Vendre la mèche, non, ça n'a rien à voir avec ça, vendre la mèche. Comment tu veux la vendre? La trouve-t-on sur eBay? Peut-on surenchérir sur la mèche? Puis là, depuis quelques années, je ne veux pas trop le dire, là, mais t'as la mèche courte. Très courte. Plus t'as la mèche courte, plus l'explosion est imminente. Plus t'as la mèche longue, plus t'as le temps de te sauver. Si t'es devant quelqu'un et tu vois qui rougit. Là, tu le rencontres. Comment ça va? Ça va. Et là, tu oses-tu y poser une autre question? Ou si tu le fais, es-tu prêt à te sauver, prendre les jambes à tes quoi? Moi, je prends mes jambes, puis je les laisse à terre. Je les remets à terre. Pour courir aussi vite, hey, je prendrai pas mes jambes à mon cou. Hey, courir sur les genoux. Courir ses genoux, ça fait mal. Merci à ma directrice qui me dit, si on appelle ça des genoux. Ah, des genoux, des genoux, oui. Des genoux, oui. Non, des genoux, oui. Des genoux, oui. Des genoux, oui. Pour moi, demain, chez nous, ben, ça dépend. Là. Tu te souviens de quelle région du Québec? Sherbrooke. À Sherbrooke, on dit des genoux, oui. Non, on dit genoux, virgule, oui. Non, moi, je mettrais genoux, point, virgule, oui. Pourquoi un point, virgule? Ben, parce qu'on s'arrête. Là. Genoux, oui. Hey, là, je crois que ton public, tu viens de le perdre. Non, je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai tellement pas perdu que je veux lui dire encore une fois bonsoir. Et j'ai une petite chanson, même deux, à vous proposer. Et lorsque je prépare ces interventions radiophoniques, j'essaie de me juxtaposer à mon invité. Et Sonia Pavlik, car il s'agit d'elle aujourd'hui et la semaine prochaine. La semaine prochaine, là, il y a une émission, mais moi, je vais être à Paris. Pour capter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bouches qui veulent nous raconter des histoires. Mais là, j'ai dit, j'ai Sonia. Sonia, je ne sais pas pourquoi je dis Sonia. Au Québec, on dit Sonia. Hein? Surtout, non, mais ça dépend dans quelle hiérarchie, là. Hein? Prolétaire, c'est Sonia. Intellectuel, c'est Sonia. Et grande bourgeoisie, c'est Sonia. Sonia. Mais on va dire Sonia. Parce que le Nia, j'aime bien Nia. Ou Sonia. Pour se démarquer un peu, de quoi que j'ai rien contre les prolétaires. Épousons, embrassons, pas Sonia, là, mais aussi, mais le côté intellectuel. Les intellectuels, donc, Sonia. Je la visualisais, parce que je la connais depuis belle lurette. Oh, oh oui, belle lurette! Celle-là, belle lurette! Je vais juste te dire rapidement comme ça, parce qu'on dit souvent les choses rapidement, mais on s'étale sur la rapidité. On tombe, on trébuche, puis là, pff, on se répand. Et quand on se répand, ça prend du temps avant de se recueillir. Parce qu'il y a des membres qui partent plus loin. C'est un œil en vite. Point! Là, tu le vois partir. Oh non! Ben, parce que l'autre œil n'est pas en vite. Là. L'autre, il est correct. C'est lui qui visualise pour les deux. Mais c'est lui qui est parti. Lui, il ne voit plus rien. Là. Il n'a jamais rien vu. Il est juste esthétique. Puis il est parti très loin. Comment je vais faire pour me ramasser en quelques minutes quand mon œil est tombé? Il est tombé où? Il est tombé dans la grille des égouts. Oh non! Veux-tu vraiment le recueillir? Mais écoutez, oui! Mais oui! C'est un bleu saphir que j'ai fait faire en Amérique latine en 1997. Et c'est le grand Sergio Malaggio, quelques heures avant de mourir, parce qu'il s'est fait tirer dessus par un maniaque sexuel qui cherchait la primauté existentielle du prépuce majeur, et je n'irai pas plus loin, l'a flingué. Non pas avec un couteau. Non pas avec un fusil. Excusez-moi, j'ai changé de ligne. Non pas avec un fusil, mais avec une sabacane. Chanson de Francis Cabrel, sabacane. Hein? On dirait vraiment c'est le vrai, hein? Oui, merci. Qui, le vrai Francis? Donc, il s'est fait tirer. Cet œil-là a été estimé par un estimateur à un demi-million de dollars. Que s'il faut rentrer dans les tuyaux, s'il faut aller chercher à travers les rats l'œil, on va le trouver, l'œil. Si on n'avance jamais, ben on pourra pas vous faire entendre la chanson, le générique de chanson. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches. Où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. N'importe quoi depuis tellement longtemps, c'est trop tard pour les analyses. Les apprentis sorciers et les médicaments ne font pas toujours ce qu'ils disent. Les morts le savent. On trouve n'importe qui derrière les étiquettes des gouvernements sans éthique. Les apprentis sorciers ne se vantent jamais d'avoir eu des accords tacites. Les morts le savent. Je viens voir les épaves quand je joue sur la plage. Tout seul, tout seul. On m'a dit c'est pas grave, tout s'oublie, tout se lave. C'est seul, les morts le savent. Enfin n'importe où, fatigué de tout, rongeant les os qu'on nous balance. On attend de savoir, mais avec ignorance, l'orgueil est une vieille connaissance. Les morts le savent, les morts le savent, les morts le savent. L'orgueil est une vieille connaissance, les morts le savent. We'll be right back. Merci Philippe. Nous avons entendu par la suite le groupe, le défunt groupe Noir Désir. Ça fait du bien. Il se dit là-dedans des vérités qui me plaisent énormément. À qui vous voulez parler? À personne. Vous arrivez comme ça, comme un cheveu sur la soupe. À qui vous voulez parler? Personne. C'est vous qui me demandez à qui je veux parler. À qui vous voulez parler? Hey. Moi, personnellement, à personne. Non pas à Paul, personne, mais à personne. Personne. Noir total, là. Aucune... À qui vous voulez parler? Allô? Voulez-vous me débrancher cette erreur de... Vous êtes une erreur... Ben, c'est ça. Bon. C'est une frustration à deux pattes, ce grand personnage-là, là? Hmm? Il dit plus rien, là. Hein? On lui a coupé l'herbe sous le pied. On aime ça, couper l'herbe sur le pied. Est-ce qu'on peut parler? Rentre-nous en liaison, Rita. Rentre-nous en liaison, là. Je veux parler à cet adage. qui se dit et que j'arrête pas de balancer depuis le début de l'émission, l'herbe sous le pied. T'as jamais dit l'herbe sous le pied? Non, mais dans ma tête, peut-être. Non, je ne l'ai jamais divulgué, moi, ce terme-là. L'herbe sous le pied. Peux-tu composer le numéro de l'herbe sous le pied, l'expression? On va mettre ça au clair. En pleine nuit, j'aime ça mettre ça au clair des... Oui, exactement. Il n'y a pas d'heure pour mettre les idées en pleine lumière. S'il vous... Êtes-vous en train de composer, là? C'est des frais... Virez-moi le téléphone avant de l'entendre. Ah, oh, OK. L'herbe sous le pied. Oui, OK. Nous avons l'herbe sous le pied. Ouvre donc le... Ouais, exactement. Tu mets ça à... Voilà. Herbe sous le pied. Oh! Savez-vous que c'est la première fois depuis que la radio existe que nous avons la... Que la radio a la chance d'entrer en communication avec cette expression herbe sous le pied. Êtes-vous véritablement, parce que ça peut être un canular, on est dans une société de canulars, on nous fait croire des choses, mais on doit gober ça comme si nous étions des imbéciles. Sommes-nous des imbéciles? Herbe sous le pied, vous croyez que nous sommes des imbéciles? Qu'est-ce qui vous fait croire ça, herbe sous le pied? Ouais, bon. Vous nous regardez, hein, de votre grande primauté. Est-ce que la langue française, comme toutes les langues, se trouve au-dessus de la réalité ou... Vous ne croyez pas comme moi. Attention, on est dans des grandes... On est dans un concept. Oh, on rentre dans un concept. Herbe sous le pied, mais vous ça rentrez dans les concepts? Vous aimez ça aussi rentrer dans les adages? Ah, oh, vous aimez ça rentrer dans n'importe quoi? Mais c'est un cochon, l'herbe sous le pied. Oui, c'est ça. Nous disions, avant que je m'embrouille dans mon discours et surtout dans ma formulation et la qui? Non, il n'y a pas de qui là-dedans. L'herbe sous le pied, y a-t-il un de qui dans l'herbe sous le pied? La qui vient du fait que c'est une expression qui est bien implantée, qui a des racines et qui ne risque pas de mourir. Vous croyez que votre terme, que votre expression va rester jusqu'à la fin de toute francophonie moderne et à venir. Qu'est-ce qui vient après le moderne? Ouh, grande question là, hein? Qu'est-ce qui vient après le moderne? Le supermodernisme? Pose la question, moi là. T'es un imbécile, moi là. Fais juste poser des questions. Moi là, hey, wow. La soupape vient de lever. Renal Gagné, l'homme qui pose. Non, enlève l'homme. Enlève mademoiselle aussi. Je préfère garçon. Le garçon qui pose les vérités. Les vérités. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. De deux, quelle est la vérité? C'est une autre question. Qu'est-ce que la vérité? Posons-la la vérité. Sommes-nous devant la vérité? Pouvons-nous appeler la vérité? Non, on est avec l'herbe sous le pied. Ah, hey, vous avez la voix? Excusez-moi, là. Est-ce que ça dort, une expression? Là, vous vous réveillez, là. Vous avez la voix. Je vous imagine. Aimez-vous ça quand je vous imagine, l'herbe sous le pied? Je vous imagine, là, vous croyez que je vais faire allusion à page 69, là? Ah! Vous m'enlevez l'herbe sous le pied. Ah, pas pire, hein? Là, je viens de vous faire un petit velours, là. Quoique, de l'herbe, c'est pas du velours, là. Ah oui? Oh, OK, vous mettez tout ce qui est hirsute. Poêle hirsute. De l'herbe, on peut mettre ça dans le même créneau, le même panier que le poêle. Le poêle puis l'herbe, c'est la même chose, hein? Au niveau du gazon, tu peux dire que c'est des cheveux de gazon. Puis si t'as un professionnel, un jardinier, qui dit « Hey, voulez-vous que je vous coupe le cheveu de gazon? » Y a-t-il une mode? Une coupe de cheveux au gazon? Ah oui, là, cette année, c'est quoi? C'est rat, c'est ara le sol, c'est inexistant. Le poil est inexistant. Ben oui. Ça fait peur, le poil. Ça fait peur, le gazon. Mais le gars, en passant, votre gazon, il se fume pas, hein? Non, faut pas fumer du gazon, parce que qu'est-ce que ça donne quand on fume du gazon, monsieur? Ouais! Qu'est-ce que ça fait? Il y a un silence. Non, mais on cherche pourquoi. Qu'est-ce que ça fait, fumer du gazon? Les jardiniers fument-ils le gazon? Qu'est-ce que fumer le gazon? Ça doit être une expression québécoise, mais encore pire. Pire que québécoise. Et quand c'est québécois, c'est pire, là. C'est une expression particulière venant d'une émission particulièrement étrange et qui est diffusée dans une radio qui ne se veut pas étrange, mais tout à fait accessible. C'est cohérent! Donc, c'est à l'intérieur de cette émission-là qu'on peut dire cette vision-là de ce terme-là à cette heure-ci. C'est bien dit, ça. Je mets patate moi-même, mais je m'épluche jamais. Parce que lorsque je m'épluche, comme vous, je me répands. S'auto-éplucher est très compliqué parce qu'il faut se ramasser par la suite. Mais arrêtez de le ramasser. Ouais, on s'arrête sur le ramassage. Puis je veux tout simplement vous dire que vous avez la voix. Pas la voix, l'émission insipide d'une débilité, The Voice. Mais vous avez la voix. La voix d'une brebis qui chique son herbe. Ouais. Ouais. Ouais. OK. Mon ami, je te demande un peu d'imagination. Nous sommes en campagne, disons dans la Beauce, au Québec, en Normandie, en France. En Suisse. On est dans les Alpes suisses. Et on est devant la chèvre. Mais il n'y a pas de mais. C'est une blague de coluche. Puis là, t'entends la chèvre ou le mouton qui place sa gueule dans l'herbe et qui ramasse de l'herbe. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Dernier passage que je trouve incroyable, mais qui est, je le sais, vous direz, écrivez-moi pas pour m'insulter, c'est de la misogynie, effectivement, nous en sommes conscients. Prends garde à te garder, bergère. Un jour, tu vas bêler. Hey! Herbe sous le pied, ça m'a fait plaisir de vous avoir eu au bout du fil. Continuez à brouter votre expression. Elle est formidable. Je vais essayer de l'effacer dans mon cortex cérébral, puisque à un moment donné, il faut laisser la place à d'autres termes. Puis j'en ai plusieurs là, que j'utilise de plus en plus depuis 2-3 mois, dont se tirer dans le pied. On va peut-être parler la semaine prochaine avec cette expression-là, tirer dans le pied, puis tirer dans le pied. Mais vous savez tirer dans le pied, monsieur? Non, lui, non, mais non. Mais non, il est vendu à son adage. En parlant d'adage? Oui, d'adage, gros, grand prix. Pas gros prix. Il était gros, mais il a décidé de maigrir, gros prix. Pour devenir grand prêt. Parce qu'il s'est dit, lui-là, là, qu'avec le temps, oui, il voit, tout s'en va, même le poucher sur une assanune des égales, la garde des chevaux dans les rayons de la mort, mais c'est qu'avec le temps, on veut changer. Et surtout quand on a pris des mauvais plis, puis tu te dis, tant qu'à vieillir, vieillissons dans le mieux-être. Et ce personnage-là est devenu, à l'écoute de lui, puis non, sans être nombriliste, à l'écoute de son corps. Il l'écoutait, ça parlait ce corps-là, là, ça n'a pas de bon sens. Sa femme, elle parlait à l'époque, beaucoup trop pour lui. Il l'a divorcé. Ils se sont quittés pour lui-même rentrer en communication avec lui-même. Donc, on peut dire que c'est une sorte de renaissance. Il a fait de la régression à la recherche de sa naissance profonde. Il s'est remis au monde. Puis c'est pas beau à voir. Oh, il faut qu'il reste tout seul dans sa salle de bain. Oh! Les contractions ont été pénibles. Puis qu'il sera pas... Oui, très pénible. Exact. Est-ce qu'il se... C'est ce que j'allais dire, Mme Thibodeau. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Hey, l'herbe sous le pied! On vous fait encore un... Allô? Allô? Hey, on... Vous avez raccroché l'herbe sous le pied? Non, on va l'avoir. Herbe sous le pied? Êtes-vous content? On vous a redit. Non. Rendormez-vous, OK? Bonne nuit. À la prochaine. À la prochaine. Bye-bye. Non, bye-bye. Donc, je vous présente mon invité, puisque là, j'ai bavardé de tout et de rien, surtout de rien. Aujourd'hui, le vendredi 23 juin 2017, l'errance, les errances rénaldiennes. Aimez-vous, là, j'ai pris une petite pause pour donner à mon public la chance de s'arrêter lui aussi et de respirer un bon coup. Là. Bon, on va décompresser. Alors aujourd'hui, le vendredi 23 juin, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Sonia Pavlik. J'en dirai pas plus aujourd'hui, la semaine prochaine. Même fille, intéressante. C'est comme deux potes qui se revoient à des moments précis de la vie, à des années précises et à des mois précis. Arrêtons de préciser et offrons-nous une expression. Hein? Make it bigger than her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. When you find her, go out and get her. Remember to let her into your skin. Don't carry the world upon your shoulders. avec sur tes lèvres ce sourire vert, toujours le même, tu me donnes le mal. Il y a ce poids autour de toi, c'est comme tu l'aimes, tu me donnes le mal. Je t'aimerai, c'est tes yeux morts. Oui, ah ben oui. Ah oui. On s'attire c'est le soleil. Été, hein. On s'attire le soleil. Mais oui. Ouais, mais oui. C'est pour lui. Bah c'est, ça a marché. Hein, ouais, mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris au moins 2 mois. Mais... Non, ben pas pour moi. Je suis arrivée vendredi. Ah ben ça va là. J'ai fait la danse pour évoquer le soleil. Ah oui. Et donc, mais comme c'est loin le soleil, ça a pris quand même 4 jours et demi. Ah oui, quand même. Et il venait d'où? Son bête. Non, merci. Okay. Ben, belle robe, belle lunette. Ben écoute, il faut bien se complimenter. Elles sont pas nouvelles. Hein. Ah, alors, mais je te vois pas souvent avec. Mais j'ai commandé un truc. Ça veut dire, je les mets en fait. Je les mets quand vient le soleil. Ça tombe bien. Ben ça tombe bien, ouais. Ouais. Il est venu avec toi en fait, le soleil. Ben, oui, mais tes lunettes sont pas trop usées à cause du soleil, hein? Non. Non. Non, non, elles résistent bien, ouais. Elles sont très, très. Ouais. Ça sent encore neuf. Ouais. Nickel. Sinon, comment ça va? Ah ben moi, ça va très bien. Ouais, ça fait longtemps. Ah ben, ça fait 1 an. Ben oui. C'est étrange. Hein? Au moins, c'est facile. Alors, quoi de neuf depuis l'été dernier? Plein de choses. Ben, plein de choses, plein d'errances. Oui, ben toujours. 52 errances. Ah oui, quand même. Hein? Oui. Ah oui. Une par semaine. Une par semaine. Oui. Quand même, hein, ça fait pas mal. Ben, c'est comme ça que je fonctionne, sinon ben ouais. C'est comme un psychanalyste, oui. Mais gratos. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même bien. C'est tu ne payes pas, mal, ouais. Tu payes pas, t'as un micro. Oui. Et t'as ton psy à l'autre bout que l'on appelle auditeur qui... Oui, voilà, c'est vrai, ouais. Qui t'écoute. Voilà. Qui m'écoute ou qui ne m'écoute pas. Ou qui... Il prend ses notes. Oui, ses notes ou qui m'écoute un peu par fragments. Voilà. Mm-hmm. Mais... Enfin, peut-être comme dans le cabinet de psy, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est peut-être. Ça. Mais si ton ça psy... Ça fait partie de la thérapie de ne pas tout écouter. Si... Ouais, oui. Ouais. De filtrer. Ben ouais, de filtrer, ouais. Ben c'est important, il faut filtrer. Ben on devrait filtrer aussi le montant d'argent qu'on lui donne. C'est vrai. Oui, ouais, c'est autant vrai. À filtrer pour filtrer. On devrait faire un petit appareil qui mesure en fait le pourcentage du temps écouté et on lui paye. L'intensité des neurones. Est-ce que les neurones sont en fonction et tu peux le savoir oui, avec voilà, ta machine? Ouais, tout à fait. Et il y a comme un compteur, tu sais, un peu comme quand tu prends un taxi. Ah, ça peut être pas mal. Ça. Ben oui, le compteur. Mais je suis sûre qu'il y a des applis comme ça. Oh, mais il y en a beaucoup de bidons. Hein. Ça doit exister l'appli. Ben, en parlant d'appli, j'ai une application qui me dit que je peux voir la noirceur. Comment ça, je prends le cellulaire. Ouais. Une application que tu parles. Là. Oui, oui. OK. Alors, oui. Je me promène à la noirceur et je vois, selon l'application, là, ouais. On me dit que je vois très bien à la noirceur. Donc, j'ai même pas besoin de lampe de poche. Ah ouais? Oui, mais ça fonctionne pas. Il y a beaucoup d'applications bidons. Ah, mais je comprends pas. En fait, j'ai pas trop compris le principe. OK. Ben, tu mets ton application. Oui. Tu entres chez toi à 2h ouais. du matin sans allumer aucune lumière. D'accord. Il te dit c'est noir. Non, c'est pas assez noir, tu vois. Ah, tu vois chez toi. D'accord, j'ai compris. On capte. Mais ça sert à rien. Pardon? Ça sert à rien. Ben non, ça sert à rien parce que tu vois rien. En plus. Ben il y en a plein de bidons comme ça. Ben oui, ça c'est super bidon quand même. Ben ouais, c'est super bidon. Ah ouais, ça c'est vraiment super bidon. Mais mon sensor ne sera pas bidon. Et est-ce que... Mais non. Mais est-ce que toi tu as beaucoup d'applications alors? Ben parce que premièrement, c'est pas... Pour moi, c'est pas un téléphone. C'est une machine à application. Non, ça ah, oui. C'est pas un téléphone. D'accord, pour moi. Oui. 18e siècle. Oui, voilà, 18e. Ouais, même 17e. Hein, oui, arrondissement. Oui, je l'ai acheté dans le 17e. Avant Louis XIV. Ouais. Avant Louis XIV, oui. Ouais. Mais le plus difficile, c'est que ils en vendent plus beaucoup du fait qu'on est toujours pris dans le fil. Ah oui? Oui. Donc, c'est un fil, bien sûr, comme Internet, cybernétique, oui. On le voit pas. Mais on est tout le temps pris dans le fil. Et, mais ah, quand... j'ai profité que... Oui, profite de monsieur. De monsieur, là. Oui, bon, oui bonjour, bah, monsieur. On va profiter de monsieur. Je vais profiter de vous et je vais commander un sirop d'orgeat, s'il vous plaît. Enfin, de votre présence, en tout cas. Et je vais prendre la même chose, s'il te plaît. Sirop d'orgeat. Ah, sirop d'orgeat aussi en diabolo ou avec de l'eau? Moi, avec de l'eau. Oui, pareil. Même chose. C'est bon. Allez. Ben, oui, on va vivre la même... Oui, voilà, la même expérience. On va pas voir. Alors, ça peut être critique, comme en tout cas. On va préparer l'emplacement. Alors, excuse-moi, Rénal, je t'ai coupé du coup pour profiter ben, oui, de mais monsieur. En fait, on coupe souvent le fil oui, de mon cellulaire. Oui, mais voilà, oui, exactement. Bon. Alors, ce qu'il faut, pour moi, c'est la tablette. Oui. Pour pouvoir suivre les gens sur Facebook. Ah, mais oui. Et mon téléphone pour pouvoir appeler. Appeler, oui. Parce que sinon, si je vais en Europe avec ce téléphone-là, je ne peux pas appeler. Mais oui. Il est pas... Et tu peux appeler quand tu es au Canada? Avec lui, non. Non? Non. Jamais? Non, juste avec lui. D'accord. Mais moi, je ne reste pas au Canada. Pourquoi? Ben, je reste au Québec. Oui, au Québec, oui, mais pour nous, c'est le Canada. Non. À chaque fois que je passe, j'essaie alors, de... Alors, au Québec, oui. est-ce que quand tu es au Québec, est-ce que tu peux appeler avec ton téléphone? Non. Non. Non, avec ta tablette. Non, tu es obligé de te servir de ton téléphone. En fait. Parce que c'est pas parce un téléphone, que c'est pas moi, un téléphone. C'est une tablette. On me l'a donné. C'est la mini tablette. Ouais, mini. Ouais, mais en fait, c'est juste pour aller sur Internet, histoire de ne pas prendre mon téléphone. Mais oui. Donc, tu t'en l'antenne. Mais bien sûr. Mais lui, il n'est pas quadriband, donc il fonctionne pas en Europe. Lui, il est quadriband. Ah oui. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner n'importe où dans n'importe le monde. N'importe où. Sauf en Corée, endroit où il a été fait. Conçu. Ah ben, dis-moi. C'est pas mal. Eh ben, fabriqué, ouais. Conçu et fabriqué. Ouais, le monde est fou, en effet. Le monde est fou. Ouais, c'est vrai. Mais on marche sur la tête. Oui, bon, ouais, mais Godard avait dit. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit Brigitte encore, Bardot, à Brigitte Bardot, dans le micro. Oui. Il lui a dit, si tu enlèves la choucroute que tu as sur la tête, si tu sais quoi, un chignon? Oui. Si tu enlèves la choucroute que tu as sur la tête, je te promets... Non, si j'arrive... Attends, tu peux, je recommence. Si j'arrive à marcher 3 mètres sur les mains, oui. Est-ce que tu vas enlever la choucroute que tu as sur la tête? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Ben, Brigitte Bardot a dit ben oui, parce qu'elle ne savait pas que Godard marchait. Ben oui, il marche très bien sur les mains. Ben, il marchait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui peut-être. Oui, ouais. Ah, mais il a l'air d'avoir la forme, hein? Oui. Ah, oui, merci, oui. L'histoire veut que Brigitte Bardot avait la face, bien sûr, estomacale. Décomposée. Décomposée, oui. Et puis elle se l'est ramassée, puis elle s'est remis. Et depuis ce temps-là, c'est pour ça que. Mais donc. Et depuis, elle a perdu la boule, en fait. Elle a perdu sa choucroute et la boule avec, c'est ça? Je crois que c'était connecté. Peut-être, oui. C'était connecté. C'était peut-être connecté, oui. Et toi, tu travailles autant qu'avant ou tu relaxes? Ah ben, cette année, j'ai travaillé plutôt mes projets artistiques, mais j'ai travaillé. Après, j'ai décidé de travailler de manière plus intelligente, plus en harmonie. Avec toi? Avec moi, voilà. Donc, j'ai sélectionné un peu mes emplois. Et ma foi, c'était super parce que ça m'a permis de faire de belles expériences. De rencontrer des gens? Ah ouais. Et aussi, j'ai travaillé avec des enfants. J'ai fait des films avec eux. Et c'est un projet d'arrondissement, c'est la mairie qui te... Voilà, c'est ça. C'est avec la mairie et l'éducation nationale et leurs profs. En fait, on est parti en classe verte. Ils ont utilisé le nom de classe transplantée, là, cette fois, c'était marrant. Ah, c'est bien. Ouais, la classe transplantée. Ouais. Et on est parti 2 semaines et on a fait des petits films ensemble. Enfin, quand je dis des petits, c'est des courts-métrages, en fait. 2-3 minutes. Voilà, exactement. Et ils étaient hyper motivés et vraiment c'était une très belle expérience. Avec une caméra numérique? Avec une caméra numérique. Le montage se faisait à l'ordinateur? Alors on a fait le montage à l'ordi, ouais. J'ai travaillé, on était 2 sur le projet. Et donc moi j'ai filmé, tu vois, j'ai fait les images, je me suis occupée du tournage mon associé, ton collaborateur. Mon collaborateur a travaillé sur le montage. Et qu'est-ce que tu as appris de ces enfants-là? Ah ben j'ai appris plein de choses. Toujours adoré de jouer avec des enfants. Ah ben moi j'ai adoré. D'ailleurs, je leur ai montré Je leur ai montré le casting de Jean-Pierre Léo. Le premier casting de Jean-Pierre Léo. Ouais. Pour son premier casting avec Truffaut. Et c'est assez amusant parce que il avait à peu près le même âge qu'eux. Bon, il était un peu plus âgé, il avait 14 ans, Jean-Pierre Léo, quand il. Mais parce que son rôle était plus jeune, donc. Oui, voilà. Mais en tout cas, il jouait le rôle d'un enfant qui avait leur âge, plus ou moins, à un an ou deux près. Et puis je leur ai montré aussi un casting de Sophie Marceau. Oui, dans la pour Boom. Alors, j'étais hyper étonnée parce qu'en fait, ils ne savaient pas qui c'était, Sophie Marceau. Moi, vraiment, je pensais leur montrer quelqu'un qu'ils avaient déjà vu, une actrice populaire. Ah oui, ils étaient, mais c'est qui? Je la connais pas. Et je disais, vous avez vu LOL? C'est elle qui joue la maman dans LOL. Ah bon, c'est marrant, hein, comme quoi c'est vraiment des affaires de génération. Des conflits de génération. Ah oui, c'est conflits de génération. Oui, ça commence comme ça. Comme ça, vous connaissez pas. Oui, ben la culture, ça donne des ailes, c'est pour ça que le trois quarts des gens râlent. Voilà, exactement. Tout à fait. Mais il ne faut pas non plus se plier sur l'art. Après, je ne sais pas pour le nombre de gens qui rentrent, mais en effet. Beaucoup. Ça jonche. Ça jonche. Allez, soyons. Oui, soyons. Tac, là, ça balance à Paris. Là. Exact. Stop it. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Je suis affligé d'une grande peine, tire-loup. Couche-toi dans ton lit, les poings sur la tête, je n'ai pas de lit, pas de tête. Va-t'en à Paris ou casse des cailloux, mais ne gâche pas ma semaine. J'étais à Paris il y a 2 ans à peine, tire-loup. Près de Notre-Dame, as-tu vu l'ami? Le front bourré de connaissances, tant de mots sortaient de sa bouche à lui qu'il me fit perdre contenance. T'es-tu reculé jusque chez les bêtes, tire-loup? Au lever du soleil, dedans la rosée, les chevaux m'ont fait une fête. Mais les châtelains ont failli me tuer, me prenant pour un loup-garou. Es-tu allé voir les hommes de science, tire-loup? J'y étais hier, mais n'ai pas compris pourquoi, comme une expérience, voulait m'envoyer dans la lune qui luit avec mon nom écrit au cou. Peut-être au Japon tu trouveras l'ordre, tire-loup. Le Japon est loin, mais j'ai une corde pour me pendre s'il n'y a rien. Y a mieux, mon ami, prends la bêche en main, aide-moi à planter mes choux. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'ai pas compris. C'est mon cellulaire, peut-être. Oui, voilà. Mais le travail avec les enfants, ouais, ça t'a ressourcé ça... Ça ressource. Puis ils sont vraiment étonnants parce qu'ils ont un rapport à la création qui n'est pas le même que t'as adulte. Il n'y a pas la même inhibition. Ils sont très spontanés, ils essaient tout de suite. Et puis aussi, ils s'emparent comme ça des idées que tu leur donnes. Ils se les approprient. Et ils m'ont fait faire des choses que je pensais pas faire. Par exemple, je pensais pas tourner un jour un film de zombies. Donc c'est fait. Ah oui, quand c'est les jeunes, ouais. Parce qu'ils voulaient absolument qu'il y ait des zombies dans leur film. Alors j'ai dit, allez, d'accord. Comme ça, au moins, vous aurez plus peur quand vous verrez des films d'horreur. Ouais, ouais. Et quand tu verras un zombie, au moins, tu seras déjà un peu préparé. Voilà, tu seras préparé. Ouais. Et puis, on a fait des publicités, on a fait un journal télévisé, des films muets. Et ça, ils sont super forts dans les films muets. Et en fait, moi, j'aimerais bien refaire des films muets avec des enfants. Ça, ça m'amuserait vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus dans la monstration? Voilà, en fait, ils jouent... ils sont plus dans la monstration. Il y a tout à fait leur caractère spontané qui ressort. Ouais, hein. Oui. Enfin, quand ils sont partants pour le film muet, c'est génial. Hein. Ah ouais. Après, il y en a qui sont peut-être un peu plus inhibés, mais... Ils se sont plus rebutés parce que c'est pas vraiment leur style. Voilà, ouais. C'est pas ce qu'ils jouent de plus en plus. Aussi, ouais. Et puis aussi, ce qui est super, c'est que tu peux les diriger pendant que tu filmes. Ah, oui. Parce que oui, comme oui. Le son, il n'y a ça, pas de peut. Son, tu les diriges et puis ils te proposent des trucs magnifiques. Comme ça aussi, ils réfléchissent pas. Donc. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, est-ce que les scénarios ont été préparés par les enfants? Alors moi, j'aurais proposé un synopsis. Et après, ils l'ont développé. Et ça t'a surpris de voir l'esprit créatif de ces enfants-là? Je m'attendais à ce qu'ils soient créatifs. Après, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi impliqués. Et je ne pensais pas que ça les intéresserait autant. Vraiment, ils ont joué le jeu. Ils étaient vraiment dedans à 100%. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Ça. Et puis les profs aussi, ils étaient très bien. C'était des profs qui... Ils avaient préparé? Ouais. En fait, ils ont des profs qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est jeu, ciné, oui. Ben, c'est bien d'être ludique quand tu es un enfant, parce que c'est juste cette période-là que l'on exploite le côté jeu. Après, quand tu es adulte, ben, là, tu dois camper des rôles. Oui. Tu dois prendre des vêtements sur tes épaules et les porter, et porter des couches, des couches et des couches. Oui. Des vêtements ou de carapace, hein? Oui, comme, comme l'oignon. Voilà, comme l'oignon, ouais. Ajouter des couches. Est-ce que le travail avec les enfants t'a donné ce goût-là, comme tu disais tout à l'heure, mais de créer peut-être un long métrage, quelque chose de plus poussé? Avec eux? Ouais. Ben, peut-être pas eux, mais des enfants en général. Avec les enfants, oui. Ah oui, vraiment, ça donne envie. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de recommencer l'expérience. Est-ce que tu t'es trouvé une force pour travailler avec ces enfants-là? Parce que ça demande quand même un certain... certaines façons de faire, ça s'est passé naturellement. Et puis aussi, j'avais déjà une expérience quand même avec les enfants au théâtre où j'avais fait des spectacles pour enfants. Ouais. Et en fait, ça m'a semblé assez naturel. C'était pas du tout un effort pour moi. Donc au départ, on peut se dire toujours, est-ce que je vais les intéresser ou pas? Enfin, est-ce que ça va les intéresser ce qu'on va faire? En fait, c'était ça. Moi, ma peur, c'était de les ennuyer. Je voulais absolument pas qu'ils s'ennuient, en fait. C'était en plus récréationnel, c'était un plaisir. C'était pas quand même une tâche éducationnelle. C'était pas quelque chose, un travail pour maintenir, avoir un résultat. C'était juste pour... vous étiez entièrement dans la ludicité. Alors, on était complètement dans la création, le ludique et tout. Ensuite, il y avait quand même un résultat à la fin. Il fallait filmer, vraiment... Non, mais il n'y avait pas une note attribuée à ça. Il n'y avait pas de note, mais il y avait une projection. Ah oui, OK. On a fait la projection. Combien de projections? Projection à la fin de... c'était fin juin. Une projection dans une salle en exclusivité. Non, mais je veux dire de combien de minutes Du coup, en tout, ça faisait un petit film de 30 minutes à peu près. Et est-ce que ça t'a surpris de voir ce qui se passait sur la surface écranique? Alors, j'étais pas surprise par le film parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Ouais, alors tu connaissais les moindres... Donc, voilà. Mais ensuite... la réaction des gens. Ensuite, c'était quand même une surprise parce que le montage, c'est mon collègue qui s'en est chargé, mais il m'avait montré, il m'expliquait. Okay. Du coup, je savais, comme j'avais filmé pas mal d'images, je savais un peu ce qu'il avait utilisé. On avait parlé de ça en amont. On savait aussi les moments qu'on devait filmer, tout ça. Du coup, le film, c'était pas une surprise parce qu'il y a eu tout ce travail préparatoire. La surprise, c'était la réaction. C'était un peu la réaction plutôt, ouais. Ouais, c'était la réaction. Et puis, c'est vrai que je pense que ça a fait quelque chose aussi pour eux de se voir comme ça sur un écran, parce que c'était une vraie salle de cinéma, donc ça ne doit pas être rien. Ah oui, ça ne doit pas être rien de se voir comme ça sur un écran, avec les parents, enfin, ça doit faire quelque chose. Hein. Mais bon, ensuite, je pense que moi, j'espère que je leur ai appris des choses. Et puis, c'était de trouver un bon compromis entre le fait qu'ils s'amusent et aussi le fait qu'ils apprennent. Mais je pense que c'est bien parce que ça... En fait, dans ce genre d'atelier ou de classe, ça réunit un peu tout ce que tu apprends à l'école, en fait. Ah, c'est vrai. Tu vois ? Ouais. Le français, la rédaction, l'histoire du cinéma, tout ça. En travaillant avec ces enfants-là, as-tu remarqué certains grands talents ou certains talents Il y en a, ils sont super forts, ils savent... Combien d'enfants? Beaucoup. En fait, j'ai trouvé que quand même, ils ont tous du talent. Ensuite, ça dépend, il y en a, ça va être plus être de l'ordre de l'écriture, d'autres le jeu, d'autres... ça dépend vraiment. Hein, d'autres, ils vont être plus forts en mise en scène, d'autres, ils vont être... Ils vont avoir un esprit d'analyse qui est hyper utile. Par exemple, quand on répétait, ils disaient « Ah oui, ça, j'ai vu, ça marche pas, mais ça marcherait mieux. Enfin, » On s'est retrouvés au cahier du cinéma à faire des critiques austères. Voilà. Est-ce que ce... C'est pas austère, mais... Les cahiers du cinéma, c'est plus ce que c'était. Je les lis pas beaucoup, les cahiers du cinéma, j'avoue. Je les lis quand même de temps en temps, ça dépend. En fait, ça dépend... Des films présentés. Des films, ça dépend de qui écrit. Il y a eu beaucoup de changements. Oui, il y a eu beaucoup de changements, Mais je trouve que moi, il m'intéresse plus maintenant les cahiers du cinéma qu'il y a quelques années. Dans les années 2000 Je trouve que ça fait 2-3 ans où je les trouve mieux qu'il y a 5 ans, par exemple. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré, selon toi? Bah, je trouve que le contenu est plus intéressant. Je trouve que aussi au niveau de même la présentation, la mise en page, je trouve qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, je trouve que c'est, je trouve qu'ils ont quand même gagné en dynamisme. Je trouvais que c'était un peu endormi en oui, fait. Oui, oui, oui, oui, oui. C'était un peu ronflant. En fait. En même temps, c'est de suivre le côté confortable de cette entreprise-là. Oui. Quand tu sais d'où ça part. Oui. Après, je sais pas si c'est très confortable hein, comme entreprise. Au niveau mandataire, ça, ouais, ça voilà. Perd beaucoup de galons. Ouais. Oui. Ouais, oui, mais ouais. En même temps, comme toutes les revues, hein, oui. Tout le, ce qui est imprimé, ouais. Quand tu dis que les journaux américains ferment, là, ouais. C'est quand même assez, oui, oui. Assez spécial. Oui, c'est et suite à ça, as-tu voulu te. As-tu voulu proposer encore d'autres choses à ces enfants-là? Ah oui, oui, ben on va leur proposer d'autres choses. Mais là, ils risquent d'être. Est-ce que c'est les mêmes enfants? Alors eux, ils vont partir en sixième. Donc, okay. Mais oui, oui, on va continuer avec mon collaborateur. Oui, bon, on a beaucoup aimé et on a envie de refaire ça. Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu me disais tout à l'heure, là, j'ai commencé à trier, à enlever ce qui est. Disons que j'ai. Enfin là, mais ceci parce que j'ai travaillé avant, donc je peux maintenant me permettre ça. C'est tu vois, de mieux choisir ce. Les contrats que tu... Voilà. Et de choisir vraiment des choses qui m'intéressent. Hein. Où je me dis ça, j'ai vraiment envie de le faire. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Tout ce qui est autour de l'écriture, la culture en fait. C'est la culture, l'analyse. La création, l'analyse. J'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses. Ouais. Donc, tu vois, là, j'ai fini mon film. Oui. J'ai fini mon court-métrage aussi. Oui. Ouais. Donc... Et qu'est-ce que ça t'a donné? Est-ce qu'il y a eu une visibilité ou Écoute, il y a eu une projection au mois de juin. C'était le mois de la projection. Hein. Ok, oui. Les enfants, ouais, voilà, les enfants et puis... Vilaine fille. Mauvais garçon. Vilaine fille. Mauvais garçon. Dans cette vallée de larmes qu'est la vie, viens avec moi par les sentiers interdits, à ceux-là qui nous appellent à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. À ceux-là qui nous appellent à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Au fond de cette vallée coule un torrent, il est l'image même de nos 20 ans. C'est à lui que nous devons cet air et ses façons, de vilaine fille, de mauvais garçon. C'est à lui que nous devons cet air et ses façons, de vilaine fille, mauvais garçon. Il n'est pas un mot qui vive, qui me plaise autant que toi. Si tu étais plus naïve, je t'apprendrais tout ce que tu sais déjà. Les enfants du siècle sont tous un peu fous, mais le cliquetis de la machine à sous couvrira cette voix qui dit à tort à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Couvrira cette voix qui dit à tort à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Demain lorsque la lune ne se couche pas, n'existera au monde que toi et moi. Plus personne pour nous dire à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Et les yeux dans les yeux tendrement nous diront, vilaine fille, mauvais garçon. Vilaine fille, mauvais garçon. Vilaine fille, mauvais garçon. Vilaine fille. Mauvais garçon. Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic, on y perdrait son temps. De temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économiques, que mic et bien plus intéressants que les diamants que l'on prend au bout des gens. Car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-ups au pick-up, et hop, on y gagnerait son temps et son argent tout en y perdant niette, à part le chouette, mais le chouette tu le repeuples. Arrive à ton pick-up et hop, sans avoir à causer à ces pépés qui font pique, qui font pique, qui font piquer. Car le temps des pin-ups passera et puis hop, puis hop, puis hop, ces pin-ups que l'on pique et hop, sur les murs des maisons des cons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, gare, gare, on perdrait pas son temps de temps en temps et l'on y gagnerait quoi, se faire bien la joie. Car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, ouah, ouah, ouah, et que les salons de l'inconnu, cossu, où l'on se file les potins et le popotin. Car le temps des fanfares, ça s'en va d'art, d'art, d'art, d'art. On y voit des acacatés, ni quoi crever comme, crever comme, comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares en plastique et pin-up, on serait peinard. Il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Donc la projo elle s'est vachement bien passée, c'était dans un théâtre, dans un cinéma que j'aime beaucoup, bah il y a le klaxon, hein, dans le cinéma que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Entrepôt, qui est dans le 14e. Et donc c'était chouette, il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de membres de l'équipe, donc ça c'était bien parce que j'étais contente de les retrouver c'est un an après. Oui, hein. Ben oui, c'est ça l'équipe, hein, quand on se retrouve, c'est de reparler du tournage. Ouais. Est-ce que les comédiennes et puis les comédiennes... Eh bien, il y avait Aline, ben oui, Aline Stinus. Ok, oui, oui, oui. Aline Stinus était là, il y avait les deux François, François Debloc et François Perrache. Il y avait aussi... alors, Faustine Levin ne pouvait pas être là parce qu'elle n'était pas à Paris, mais elle nous a embrassés, donc c'était déjà là. Bon, les baisers étaient là, voilà. Elle nous a envoyé ses baisers. Okay, ouais. Et puis, il y avait Brigitte Boucher, qui est une super actrice et qui était ma prof de théâtre. Okay. Et qui est pas loin, d'ailleurs. Et qui mon Dieu, vous avez des origines communes. Oui. Parce qu'elle vient du Québec. Ok. Voilà. Ben, Boucher, ça me disait quelque chose. Eh bien, Boucher, Brigitte Boucher, okay. Elle vient du Québec. Ouais. Ok, je vais faire mon enquête de 2017. Ouais. Mais suite à ça, est-ce que les gens qui sont sortis de ton court-métrage, est-ce que ça crée quelque chose? Est-ce que ah ben tu as senti qu'il allait avoir... continuité ou... Alors, pour eux, il y a une continuité parce qu'il y en a un, il a eu un Molière. Non, mais c'était pas grâce à mon court-métrage. Il a joué dans quelque chose qui lui a donné un Molière. Oui, oui, il a joué au théâtre. Donc ça, j'étais super contente pour lui. Puis c'est un super acteur, donc j'étais là, hyper contente. Là, il sera plus abordable aujourd'hui. Bah, je sais pas, j'espère qu'il voudra bien quand même faire encore des projets avec moi. Hein. Ça dépend du côté monétaire, ça doit être quand même plus exigeant. Je sais pas. Oh non, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'amour de l'art. Tu sais, c'est le projet bon ou pas. Hein. Oui, okay. Et toi, tu disais tes chambres pour la tirer? Ah ben, moi, j'ai des choses pour la tirer, oui. Moi, je trouve... Non, mais parce qu'en fait, franchement, c'est tous des acteurs, enfin, moi, que je trouve vraiment très, très bons. Et j'ai envie de retravailler avec eux, donc il y en a, je retravaillerai avec eux parce que j'ai des projets qui correspondent et parce que leur emploi du temps ou leur envie le permet. Mais j'écris d'autres projets, là je suis en train de démarcher des boîtes de production parce que là j'ai travaillé jusqu'à présent en autoproduction et maintenant j'ai envie de travailler avec une boîte de prod pour plusieurs raisons, puis aussi parce que tu vois il y a des raisons artistiques. Qui sont aussi que quand tu rencontres le producteur ou la productrice avec qui tu t'entends bien, ben, tu as un interlocuteur génial pour modifier certaines choses. Voilà, oui. Et puis même c'est stimulant en fait, parce que quand tu écris, tu es un peu tout seul. Oui. Et parfois, t'as... c'est un regard. Voilà. Que... Tu as un regard, si tu as quelqu'un d'extérieur qui te dit bah, écoute, là je comprends pas, ou là. Dommage, ça commençait bien, mais ça tombe un peu. Il y a une chute. Tu vois, ouais. Du coup, quelqu'un en fait qui peut te faire des retours, c'est pour ça qu'il faut choisir un producteur, je pense, ou une productrice qui qui comprend ton travail et enfin qui veut faire un peu le même cinéma que toi, parce que comme ça tu peux vraiment dialoguer. Ça peut être bon pour le film, ouais. Et ça peut être bon pour le film que tu veux faire. Mais le court-métrage, c'est pas le même rapport au cinéma. Ah bah c'est sûr que c'est un circuit qui est hors budget. Hein, qui est hors norme aussi. Hors norme aussi, oui. En général, tu gagnes pas ta vie avec des courts-métrages, mais en même temps, c'est une étape qui est vraiment nécessaire pour faire des longs. Et moi, je trouve qu'en elle-même, c'est une étape qui est vraiment très, très intéressante. Pour moi, c'est un peu... en fait, c'est un peu une carte de visite, mais c'est aussi à la fois un laboratoire où tu vas tester ce que tu veux faire au cinéma. Et puis aussi, c'est un peu, pour moi, c'est l'équivalent de ce qu'est la nouvelle au roman, en fait. Oui, ok. Quoi qu'il y a des gens qui vont toujours roman. Faire des nouvelles et voilà. S'attarderont pas au roman. Voilà, et il y a des gens, ils veulent faire que du court-métrage. Et moi, franchement, je les comprends. Enfin, je comprends. Ces gens-là doivent avoir un autre boulot parce que tu peux pas vivre de cette âme. Bah oui, en général, tu as un autre boulot. Ouais, c'est ça qui est décevant. Alors, tu peux te consacrer. Alors après, c'est une question d'organisation, mais après, c'est sûr que il y a un moment où tu as des moments dans l'année, il faut que tu t'y consacres à 100%, sinon oui. Tu peux pas aller au bout de ton projet. Ouais. C'est ça. Et comment ça prend le temps pour toi de la plume jusqu'à la caméra? Alors ça dépend. Là, ce court-métrage, c'était arrivé assez rapidement. Finalement, il n'y a eu que 4 mois entre le moment où j'ai écrit. Et le moment où on a filmé. Ensuite, ce qui m'a pris beaucoup de temps là, sur celui-là, c'est la post-production. Ouais, t'as dû reprendre à un moment donné une scène, hein? Oui, on a dû retourner une scène, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, on avait perdu les rushs sur une demi-journée. Comment ça? Ah bah, il y a eu un problème technique. Et du coup, on a eu une demi-journée de perdu. Ça s'est effacé? Ça s'est effacé. Donc, le truc, c'est... Et comment tu te sentais là-dedans? Bah en fait, démoli. Tu te sens pas bien, mais tu te dis il faut que je finisse mon film. Et comme j'étais complètement là-dessus, sur cette idée, je me suis dit bah tant pis, bah c'est pas grave. C'est dommage parce que il y a des choses excellentes qui sont parties. En même temps, ça peut arriver. Enfin, donc, c'est les aléas. Voilà. Mais ça devait être meilleur parce que là, tout le monde connaissait son rôle, connaissait ses... Ah ben écoute, moi vraiment, j'étais vraiment ravie de ce qu'on a fait. En fait, si tu veux, finalement, comme tu as perdu, tu sais pas ce que tu as perdu. Ouais. Tu vois, parce que moi, du coup, j'ai pas décroché. Une idée, c'était bien. Oui, je me souviens d'une prise où je m'étais dit, alors là, il est génial, mais l'acteur, mais c'est François Perrache. Okay, ouais. Et j'ai fait de la pub. Mais, il m'avait donné envie de pleurer, tu vois, tellement il était bon. Donc après, ce moment-là est passé. Il faut avoir assez confiance dans ces acteurs pour te dire qu'ils vont te proposer autre chose qui va être aussi bien. C'était le cas? Ah oui, c'était le cas. Du coup, c'était différent, mais c'était vraiment bien. Moi, j'avais pu réfléchir aussi à mes indications de jeu, etc. Et aussi, pour moi, ça a montré le fait que tout le monde se remobilise pour faire... Tout le monde ensemble. Voilà. Donc moi, ça a montré que les personnes croyaient au projet. Croyaient, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et suite à ce court-métrage-là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu entrevois? Est-ce qu'il y a une suite ou tu veux aller dans une autre direction? Alors, si tu veux, moi j'ai envie de continuer sur le chemin que je commençais à tracer, oui, mais ensuite... Avec la même humour, la même... Oui, oui. De décalage, parce qu'il y a beaucoup de décalage. Hein. Oui, il y a beaucoup de décalage. Enfin, après, c'est vrai qu'on me dit qu'un après-midi petite sœur, ça fait plus court-métrage que mon précédent. La femme à tête de chou. Voilà. Où là, c'était très burlesque. Enfin, c'était un autre univers. Et en même temps, je pense qu'il y a des passerelles. En fait, ça faisait plus court-métrage sérieux, tu vois. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que la femme à tête de chou, pour moi, ça devait pas être une prise de tête. Ça devait être quelque chose de. C'est un peu fou. On doit sentir le décalage. Voilà, genre. C'est ouais, ça. Ouais. C'est ça. Et moi, franchement, c'est toujours un film que j'aime et ça me fait rire. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que j'ai un travail un peu différent sur Un après-midi petite sœur où aussi, tu as une expérience de tournage derrière toi, donc c'est pas rien. où j'avais fait aussi des stages de réalisation, donc j'étais arrivée avec plus d'expérience. Et aujourd'hui même, tu vois, j'ai beaucoup travaillé la photo, et même si, j'ai voulu vraiment réfléchir plus à l'image, parce que comme je venais du théâtre, j'étais beaucoup dans le dialogue, dans le jeu d'acteur, etc. Et dans la constitution d'un univers, et puis là, j'ai voulu un peu plus me frotter à la grammaire de l'image. Okay. Plus académique. Alors, je dirais pas plus académique, mais tu vois, plus se réfléchir à qu'est-ce que raconte l'image, comment je peux raconter quelque chose sans en passant parfois de certains mots qui peuvent ne pas être utiles. Et qui peuvent être dites dans la mise en scène. Voilà. Plus réfléchir à ce rapport entre... Mais pour moi, en tout cas, les dialogues, ça reste hyper important. Pour moi, j'ai vraiment envie de raconter des histoires. Enfin, je me sens pas une fibre de cinéaste expérimentale. Enfin, ou de cinéaste... ou de cinéaste qui s'appuie beaucoup... Pour moi, le dialogue a sa place. J'aime les films bavards. J'aime quand ça parle. Oui. Moi, j'aime Romère, j'aime Desplechin, j'aime Emmanuel Mouret. Plan rapproché d'une rue à l'aube. Un journal sous des chaussures noires et le bitume gris d'un trottoir. Sur cinq colonnes, halte à la fraude. Fondu enchaîné sur le titre, gros plan d'un immense portail et d'une pancarte en ferraille indiquant « Entrée interdite ». Contre-plongée, et on devine les cheveux blonds d'un rédacteur qui dort sûrement depuis des heures, le front posé sur sa machine. De la solitude, du grand frisson de l'altitude, dans le palais de Xanadu. Qui peut savoir jusqu'où entraîne ces grands requins des profondeurs? Et c'est toujours lorsque c'est l'heure, si ce n'est Charles Foster Kane. À la rigueur, la gloire. En finir comme un seigneur pour voir. Se flinguer avec du style, savoir. Si la mort dînait en ville ce soir. Les rats sont partis, j'étais derrière la vitre. J'ai fourgué avant l'heure et changé la couleur. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas d'odeur. Qui sortira vainqueur? Les escrocs qui vous guident et qui poussent au suicide quelques petits voyeurs. J'ai noté fataliste, mon associé tête de liste. Je le flinguerai tout à l'heure. il acceptait à la rigueur la gloriole et son piédestal, en sentant qu'il finirait mal. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Sa façon de se suicider reste tout à fait dans son style, énigmatique et sans mobile. Lui seul pourrait vous les donner. Gros plan civière, et on emmène les cheveux blancs et la froideur d'un grand requin des profondeurs, de Monsieur Charles Foster Kane. Citizen Kane. Kane. Citizen Kane. C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans froideur. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si beau, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard. Et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'emmena à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, mort de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'était irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Oh, Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la 13e avenue. J'aime tous ces cinéastes. Alors, on les qualifie pas tous de bavards, mais tous ces cinéastes où ça parle. Pour moi, c'est le cinéma, c'est autant de l'image que du mouvement que de la parole. Enfin. Ce qui est étrange, parce que si on te connaît, mais moi avec quoi j'étais, ça fait 4 ans qu'on se connaît. 3 ans. 3 ans. Ah oui. Ouais. 3 ans. 3 ans. Ah oui, parce que tu te réfères à la femme à tête de ouais. Il me semble que tu es une fille contemplative. Ben oui, je suis assez... Un peu bavarde. Je suis assez contemplative, mais en fait... Si, je peux parler. Je peux être bavarde. Après, je choisis mes moments, je choisis mon espace, en fait. Mais après, en fait, c'est ça, je peux avoir un esprit très synthétique, mais je peux aussi beaucoup parler. Enfin, c'est... ça dépend des moments. Et le court-métrage que tu as fait l'été dernier, oui. Est-ce qu'il y avait une urgence ou tu aurais pu faire autre chose, mais tu t'es dit, bon, aujourd'hui, là, on va se consacrer à un court-métrage? Bah, en fait, si tu veux, c'était vraiment une nécessité. Okay. C'est aussi pour ça, j'avais vu plusieurs personnes qui m'avaient dit « Sonia, va voir une prod pour ce scénario, etc. Cherche. » Et en fait, à cette époque-là, bon, peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure c'était lié au fait que peut-être je ne me sentais pas prête pour travailler avec une boîte de prod. Ok. Ça sert bien, tranquillement. Ouais. Est-ce que tu la cherches ou tu l'as trouvée? Bah, là, je suis en train de la chercher. Et puis comment on cherche ça, une boîte de prod? Bah, je vais voir des films, je vois qui produit, je vais aux projections, je parle avec des prods. Tu vois, je vais à Clermont-Ferrand, enfin... Pourquoi c'est là que ça se passe? Ouais, Clermont-Ferrand, en fait, c'est un des plus grands festivals de films, de courts-métrages. C'est vraiment le plus grand en France et du coup, c'est génial parce que tu peux vraiment rencontrer beaucoup de monde là-bas. Et ça se passe quand? C'est au mois de février. Okay. Et c'est vraiment une expérience formidable. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce festival et tu peux voir plein de films. Tu vois, quand même, il y a beaucoup de qualité. Enfin, as-tu déjà passé là? Moi, non, pas encore, j'espère. Hein. C'est un genre de Cannes du court-métrage? Oui, voilà, c'est le Cannes du court-métrage. Il y a quand même moins de paillettes, hein. C'est quand même moins strass et paillettes. Mais ça va avec le court-métrage? Oui, le court-métrage aussi, c'est dépourvu de tout ça. Voilà, tout à fait. Et tu te prépares lentement au long-métrage ou tu n'es pas du tout dans cette... Alors, très lentement. Très lentement. Parce que il y a un scénario de court-métrage que j'ai écrit qui pourrait vraiment se développer en long. J'ai réfléchi à l'histoire. Va falloir que je passe dans une phase d'écriture. Pour rendre ça plus touffu. Plus touffu, ouais. Plus lourd. C'est vrai qu'aussi, tu vois, et c'est pour ça aussi que j'ai changé. C'est-à-dire que je voulais juste revenir à ta question précédente, oui. C'était vraiment une nécessité, un après-midi petite sœur, il fallait que je le fasse. Et pourquoi? En fait, c'était comme ça, il fallait que je le fasse tout de suite. Et j'étais pas prête à attendre 2 ans. Okay. Parce que c'est vrai que la moyenne d'un court-métrage produit, c'est quand même 2 ans. Enfin, même ça peut être plus long, ça peut être très long. C'est aussi long qu'un long-métrage? Parfois c'est aussi long. Et du qu'est-ce coup, qui tarde? Qu'est-ce qui freine? Si tu ne trouves pas les financements, c'est de ne pas trouver les financements. Comment ça coûte un court-métrage? Ça peut coûter jusqu'à, je crois, un peu moins de 5 000 euros. Ça peut coûter jusque-là. Après, tu en as beaucoup qui se font à 2 000 euros. Hein. Mais on ne peut pas faire ça avec sa caméra numérique? Ah, ben si. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un appareil. 5 000 euros? Non. Ah non, moi, c'était pas... Et moi, je l'ai fait sans argent. Avec ta caméra. Avec une caméra, okay, ouais. Parfait. HD. Oui, voilà, avec un appareil photo. Ah oui, ok, oui, c'est bien ça. Ouais. Et Canon fait des. Voilà, trucs c'est comme ça, ouais, tout à fait, le 5D. Et tu peux t'en sortir pour des budgets qui sont pas énormes. Que toi, tu peux même payer. Oui, voilà, ouais, pour des budgets abordables. Ensuite, moi, c'est vrai que j'ai plus envie de travailler comme ça. Tu vois, là, pourquoi? J'ai. Bah, parce que y a un moment où tu te dis, j'ai envie de rentrer dans le circuit professionnel ou aussi j'ai envie de faire, de travailler dans d'autres conditions, d'offrir d'autres conditions à mes collaborateurs. Pour te préparer réellement au long métrage. Voilà. Et puis j'ai envie aussi de. Tu vois, c'est important en fait à chaque fois de changer ta façon de travailler. Et c'est vrai que. Là, je commence à être habituée à faire du cinéma sur un mode professionnel. Guérilla. Guérilla, non, ok. Ah oui, tu vois, ok. Sur un mode à l'arrache. À l'arrache. Moi, je trouve ça très bien. Sans doute, je serais amenée à le refaire. Mais il faut ça, c'est parce que là, tu voulais. Mais pour l'instant. Il y avait l'urgence, donc tu voulais pas attendre. Ouais. C'est pour ça que ça s'est fait à l'arrache. Voilà. Pour l'instant, là, c'est des projets, je suis prête à attendre. Et c'est pas grave si ça se fait pas dans... tout de suite. Mais j'ai vraiment envie que ça se fasse. Professionnellement. Voilà. Oui. Prendre le temps. Ouais, prendre le temps. Et quand tu prends le temps, est-ce que tu revisites le scénario aussi? Ah ouais, tout le temps. À quel moment, ouais, c'est ça. À quel moment tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ben là, écoute... En fait, il y a des moments où il y a des étapes. C'est-à-dire que là, je me dis, bon, allez, je vais l'envoyer. Je vais voir qu'est-ce que ça donne comme retour. Et puis, tout d'un coup, j'ai une idée. Et puis, je réécris un peu le scénario. Et puis, voilà, enfin, à chaque envoi, ça peut correspondre à une nouvelle version. Mais en même temps, je réécris que quand je suis sûre que la version sera mieux. Okay. Voilà, que parfois, quand j'ai une hésitation, je préfère attendre. D'être sûr que c'est une bonne piste pour réécrire, parce que faut aussi laisser passer un peu de temps entre les différentes versions. Mmh. Parfois on se dit ah, ça peut être super si je fais ça, et en fait tu modifies tout et c'est pire qu'avant. Donc. Ouais, c'est ça. Tu crois l'améliorer, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, c'est le point final. Puis, Oui, puis aussi, il faut accepter... Quoique ça peut se modifier aussi au tournage. Voilà, et puis il faut accepter aussi que, par exemple, tu as un retour de quelqu'un qui dit « Écoute, moi, je trouve que c'est intéressant, mais la fin, c'est à revoir. » Ou « Je trouve que c'est intéressant, mais ça me gêne. » Et qu'on ne dise pas « Ah oui, c'est génial. » Oh, oui, ouais. Voilà. Parce que là, j'ai lu quelquefois peu freiner le travail créatif. Voilà. Il faut descendre un peu de son piédestal. Et... Oui, voilà, ouais. Parce que... Sinon, on sera peut-être génial, mais on sera incompris. Hein. Et on va recevoir une claque sur la gueule en disant « Oh, écoute le génie », entre guillemets. Voilà, ouais. Est-ce que tu consacres encore beaucoup à l'écriture, autre que les scénarios, ces derniers temps, j'ai vraiment eu envie de retourner un peu, de retourner au récit. Du coup, j'ai participé à un concours d'écriture comme ça, un peu pour me relancer, parce que j'avais comme ça une histoire qui me... Une nouvelle ? Oui, une petite. C'est très court, c'est un texte très très court. 15 pages ? Même pas 2 pages, tu vois. C'était... Ah, j'aime ça. Oui, c'était quand très c'est court, j'adore. C'était très court. Ok. Et aussi, là, j'ai écrit... je travaille sur un texte pour enfants. T'aimes beaucoup l'univers de l'enfance ? Ah ouais, j'aime beaucoup. Éventuellement, veux-tu en avoir ? Ah ben j'aimerais bien, oui. Oui, j'aimerais bien en avoir un ou deux, en avoir, oui. L'industrie peut commencer. On verra. Ouais. Va falloir... c'est sûr que j'aimerais bien connaître cette expérience. Est-ce qu'il y a une urgence ou reste? Non, c'est pas urgent, non. C'est pas une urgence comme... Écrire ou faire un film. Oui. Ça peut... Ça peut être mis sur la sellette et... ça peut être mis de côté. De toute façon, ça vient quand ça vient. Hein. Oh oui, mais il ne faut pas pousser le truc. Parce que ça ne fait pas une aventure à long terme, c'est pour la vie. Et en plus, tu vois, on n'est pas dans une époque où on a besoin de faire des enfants. Et surtout, où il y a beaucoup de réflexion avant. Oui. Beaucoup de réflexion. Oui. Oui, et puis il y a beaucoup de réflexion. Et puis voilà, si on en a envie, il faut en faire, je pense qu'il faut vraiment en avoir envie, c'est un choix, en fait, de faire un enfant, tu vois, pour moi, c'est un choix, c'est pas quelque chose que tu subis. C'est pas un accident. Ça l'est plus, ça peut être un accident, mais je pense qu'on est... Tu peux rectifier l'accident. Voilà, on est aussi dans des... dans une époque où tu peux choisir ou pas, où tu peux choisir d'en avoir un ou pas, où tu peux... Tu crois pas à l'accident ? Si, ça peut arriver, si, je crois à l'accident, mais... ça peut arriver, mais en même temps, moi, je pense que faire des enfants, c'est un choix, c'est pas... Avez-vous connu Charlie?

let's go on flying. There may be no trees to rest on. There may be no clouds to ride. But we'll have our wings and the wind will be with us. That's enough for me. That's enough for me. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.